Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus lourd de Nexo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Salut à tous, bonjour, c'est Thierry Gallet en saga enregistrée depuis la maison. Oui, j'aime faire comme Paul McCartney de temps en temps. Je laisse le groupe de la radio et j'enregistre chez moi dans mon studio personnel. Donc voici une saga parce que je ne suis pas présent. Je dis merci au groupe précédent, la What's Games and Watch, parce qu'ils sont très très sympas. Je dis bonjour à tout le monde, vous qui écoutez sur www.rgfm.fr ou sur 90.7 tout simplement si vous êtes dans la région bordelaise. J'envoie le bonjour à ceux qui vont nous rejoindre parce que vous pouvez commander une pizza si vous voulez, mais commenter en direct sur le groupe Facebook, dans le groupe La Saga des Femmes Fortes, sur www.rgfm.fr, sur macaclub.com dans la rubrique La Saga des Femmes Fortes et sur yellowsub.fr dans la rubrique La Saga des Femmes Fortes. C'est une saga enregistrée, donc on ne va pas donner de numéro étant donné qu'on n'est pas forcément certain qu'elle passera au moment où il le faudra. On ne sait jamais, elle peut resservir cette saga, on ne sait jamais. Mais je vais quand même vous parler de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Stop, c'est pas Stop, c'est... Ah, ça c'est l'avantage d'enregistrer dans les conditions directes. Il y aura un extrait de Stop and Smell the Rose, je crois. C'est Red Rose Speedway de Paul McCartney. On écoutera My Love et d'autres chansons. Et pour John Lennon, il y aura Watching the Wheels sur l'album, évidemment, Double Fantasy. Il y aura pour George Harrison That's What It Takes sur l'album Cloud Nine. You Belong To Me, justement, je parlais de Stop and Smell the Roses, vous voyez que j'arrive à retomber sur mes pattes. Ce sera pour Ringo Starr en 1981. Et voilà, il y en aura plein d'autres. Et il y aura ici un album en position 17, enfin plutôt une cover. Et la cover, ce sera... Eh bien, vous le découvrirez plus tard puisque j'entends la fin du générique. Et donc, il est temps de passer à la suite et à l'album de la semaine. L'album de la semaine, donc, sorti en 1973. Voici My Love, Monsieur Paul McCartney sur RG. Oh, misunderstood. It's everywhere with my love. Speedway a été enregistré en mai 1973. C'est un Paul McCartney plus appliqué que réellement inspiré, que l'on doit ce deuxième album des Wings. Un groupe qui commence tout juste à faire parler de lui. Avant même la sortie de Red Rose Speedway, le public est déjà passé à la caisse pour le single My Love, qu'on vient d'entendre à l'instant. Un slow langoureux et aussi mélodieux qui est parfaitement orchestré et flanqué d'un remarquable solo de guitare. Publié quelques semaines avant l'album, ce 45 tours s'est alors classé en tête des charts un peu partout et a ainsi parfaitement balisé la piste pour un atterrissage en douceur de ce 33 tours. Après un accueil frais réservé à Wildlife, McCartney s'est clairement remis au travail avec la ferme détermination de reconquérir les sommets dont il n'avait jamais bougé durant la précédente décennie. Cette fois, rien n'est laissé au hasard pour séduire un large public, à commencer par une pochette clinquante, ouvrante et dotée d'un riche livret bourré de photos et d'œuvres signées par une figure du pop art. À cette débauche de cadres chromis correspond une production musicale à l'avenant, fouillée et méticuleuse. Cette extrême sophistication et le soin tout particulier apporté à la mise en valeur de ces nouvelles chansons attestent que Paul McCartney a désormais pleinement repris possession de ses moyens. L'aisance naturelle qui transpire des 12 compositions de l'album annonce le retour de l'inusable artisan de hit imparable qu'il fut avec les Beatles. Toutefois, on ne voit ici que les étincelles de son génie, le feu n'ayant pas encore totalement repris sous les braises. Voilà ce qu'on dira pour l'instant. Et on passe de 1973 à 1980 avec ce titre, Watching the Wheels, John Lennon sur RIG. Say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. emotions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. Harrison, que l'on retrouve au meilleur de sa forme en 1987, après 5 ans d'absence, Cloud 9, et le disque que l'on n'attendait plus depuis 82 est Gone Troppo, son dernier album, qui n'avait pas retenu l'attention, c'est un euphémisme. George Harrison s'était mis en retrait d'une industrie musicale dans laquelle il ne se retrouvait plus. Fatigué par ce business, il préféra se concentrer sur son activité de producteur de films à travers Handmade Films, sa propre société. Il y connut des hauts et des bas, quelques francs succès comme Mona Lisa et un flop retentissant, Shanghai Surprise, une comédie réunissant le couple que formaient alors Sean Penn et Madonna. C'est en tout cas par le biais du grand écran que nous eûmes quelques nouvelles de George le musicien, avec sa contribution à la composition d'une poignée de bandes originales. Water, en français ouragan sur l'eau plate, Porky's Revenge et Shanghai Surprise, et parfois même des discrètes apparitions à l'écran. Il y a aussi ses participations au Prince Trust Concert et un excellent show télévisé en hommage à Carl Perkins, qui pouvait laisser présager que l'ex-Beatles n'avait pas définitivement raccroché les gants. Il s'était mis en tête de trouver quelqu'un avec qui il allait s'entendre humainement et artistiquement pour bâtir son nouveau projet, l'idée n'étant pas de chercher la façon de réintégrer une scène musicale qui avait considérablement évolué depuis ces dernières années. Et il a trouvé cette personne en la personne de Jeff Lynne, qui est devenu son autre meilleur pote, ex-leader de Electric Light Orchestra. Et la suite, on la connaît. Ils sont restés amis jusqu'au bout et c'est vraiment très très bien. Nous avons pratiquement tout fait. Il nous manque Ringo Starr et les Beatles. Les voici à la suite. You Belong to Me sur Stop and Smell the Roses et It Won't Be Long. C'est maintenant d'ailleurs, donc c'est franchement pas long. Et c'est surérigé dans la saga des Fab Four enregistré. We'll be right back. It won't be long till I belong to you. J'espère que ça viendra un jour. Je profite de la pause pour envoyer le bonjour à Lovely Rita qui est à Londres et qui dirige le Beatles Magazine. Vous la retrouvez partout sur Facebook, sur Instagram, sur Google+, sur comment ça s'appelle, je rate à chaque fois. Oh, Twitter, voilà. Et elle nous réunit, nous les fans de j'allais dire de la saga des Fab Four. Non, mais les fans des Beatles. Puisque par exemple, elle me permet de dire bonjour, hello to comment s'appelle-t-il déjà, et il fait l'émission The Beatles Years and Beyond, et c'est un collègue de Chicago aux États-Unis. J'arrive pas à retrouver son nom là tout de suite, mais ça viendra peut-être un jour. Il y a aussi Michael dans le New Jersey sur Homeground Radio New Jersey. Vous pouvez trouver ça sur Zero Zero Tune par exemple. D'ailleurs, vous pouvez trouver l'application RIG. Je l'ai fait rajouter. J'ai écrit à Zero Zero Tune et je leur ai demandé de rajouter RIG parce que comme ça permet à tous ceux qui aiment les Beatles de trouver une application qui permet de rassembler ceux qui aiment les Beatles. Voilà. Donc, bref, enfin voilà. Donc, merci à elle parce que grâce à elle, eh bien, on commence vraiment à être de plus en plus nombreux à se parler à travers le web et c'est absolument génial. J'adore ça. C'est une découverte assez récente pour moi et c'est vraiment fantastique. Allez, si on revenait à la saga et l'album de la semaine, Red Rose Speedway. Souvenez-vous, en 1971, Ram avec Ramon, et à la fin de Ramon, on entend Paul McCartney improviser Who's that coming round that corner? Who's that coming round out there? 2 ans après, ce petit bout comme ça qui avait juste été marqué comme ça, ça devient une chanson, Big Bound Bed sur RG. En 1973, l'album Red Rose Speedway. Continuez à faire comme vous êtes en train de le faire. Vous commentez les chansons sur Facebook, là, dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com ou sur yellowsub.fr. Et puis, commentez entre vous. Et puis, sachez-le que soit pendant cette émission enregistrée, je suis au travail et à ce moment-là, je regarde de temps à autre, soit je suis peut-être à la maison pour des raisons personnelles, des raisons de papa, et à ce moment-là, je suis franchement en train d'écouter et en train de commenter avec vous. Donc, restez, la saga des Fab Four, c'est ici, sur RIG 90.7 ou sur www.rigfm.fr, et c'est une saga enregistrée maintenant à la maison, chez moi, tout seul, comme un grand, et j'y arrive. La saga des Fab Four, c'est sur RIG. Business. J'aime beaucoup cette chanson de 1989 que vous ne retrouvez que sur le best-of Dark Horse de 1976-1989, sorti en 1989. C'était George Harrison. George Harrison que l'on va retrouver quelques années auparavant, 1966, sur l'album Revolver avec cette chanson, I Want to Tell You, qui est une chanson de George portant sur la frustration de ne pouvoir exprimer ce que l'on a en soi. Elle parle de l'avalanche d'idées qu'il est si difficile de mettre sur papier, de dire ou d'exprimer, commenta-t-il plus tard, ajoutant que s'il pouvait réécrire la chanson, il changerait certaines paroles pour éclairer son propos et dire que c'est bien sa raison qui est responsable de cette confusion. La raison est cette chose qui passe son temps à nous dire « fais ceci, fais cela ». Ce dont nous avons besoin, c'est de perdre la raison. Chose tout à fait appropriée pour une chanson parlant du fait de ne pas savoir quoi dire. Le titre de travail était « I want to tell you » de... Pardon, le titre de travail de « I want to tell you » fut d'abord « Laxton Superb » du nom d'une variété de pommes anglaise, ce titre ayant été proposé par l'ingénieur du son Geoff Emerick. Elle devait ensuite « I don't know », je ne sais pas, parce que c'était la réponse de George à George Martin qui lui avait demandé quel titre il comptait donner à ce morceau. Je me rappelle, je l'ai déjà dit dans une saga, George Harrison avait beaucoup de mal à donner des titres à ses chansons, il n'en savait rien. Il composait d'abord la chanson et puis le plus dur pour lui, à la limite, c'était de trouver un titre. Voilà. Et voici donc cette chanson, I Want to Tell You, qui sera suivie par Magical Mystery Tour de 67, un an plus tard. Et tout ça, c'est dans la saga des Fab Four pour vous, en enregistré depuis la maison, mais commenté sur les réseaux sociaux, parce que ouais, j'adore ça, commenté entre vous. Et c'est maintenant sur RIG 90.7, la radio des Beatles. To see. Dieu que c'est bon d'écouter cette musique et de l'écouter au casque très très fort comme je peux me permettre de faire. Et c'est vraiment, on entend tout, on a l'impression d'être dans le studio à côté de Paul McCartney, de John Lennon, de George Harrison et de Ringo Starr. C'est absolument génial. On retrouve John Lennon en 1970 après avoir fait une cure chez le docteur Janov pour le cri primal. Il nous sort un album très intimiste qui prend l'opposé de Abbey Road, le dernier album enregistré avec les Beatles. L'album s'appelle Plastic Ono Band. L'idée de John Lennon, c'est de faire l'inverse des Beatles. Les Beatles, ils se sentaient enfermés dans un carcan. Plastic Ono Band, ce sera lui et hélas sa femme, et puis après tout le reste, ça peut bouger, ça n'a aucun intérêt. C'est un groupe donc qui peut être à géométrie variable. Voici un extrait de ce superbe album. Le titre du morceau, c'est Mother, sur RIG. Ça sonne à la porte, j'y vais. Je sais, je fais le coup à chaque fois, mais ça m'amuse. Goodbye. même qui a certainement dû faire augmenter les achats de pastilles pour la voix, parce que ceux qui veulent reprendre ça, faut vraiment crier. On retrouve l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Red Rose Speedway, avec une de mes chansons préférées. Elle dure 6 minutes 20, c'est Little Lamb Dragonfly sur RIG.

often think about them. In my life, I love you more. John écrivait des chansons autobiographiques depuis plus d'un an, nous sommes en 1965. Mais c'est avec In My Life qu'il eut l'impression d'avoir réussi la percée que Kenneth Alsop appelait de tous ses voeux en mars 64, lorsqu'il lui suggéra de s'intéresser à ses propres sentiments. Enregistrée en octobre 65, cette chanson avait subi une longue période de gestation. Elle avait commencé sous la forme d'un long poème dans lequel il évoquait tous les plus beaux souvenirs de son enfance en retraçant le trajet qu'il faisait de sa maison sur Main Love Avenue jusqu'à Docker's Umbrella, le parapluie des Dockers, une section de chemin de fer surélevé qui longeait les quais de Liverpool jusqu'à son démantèlement en 1958 et sous laquelle les Dockers s'abritaient de la pluie. Elliot Mintz, à qui Yoko Ono confia le soin d'inventorier tous les objets personnels de John après sa mort, se souvient d'avoir vu le manuscrit de la première version de la chanson. Elle se trouvait dans un grand livre dans lequel il gardait tous ses originaux de l'époque des Beatles, raconte Mintz. Il m'avait déjà raconté comment elle avait été composée et pourquoi elle considérait que c'était l'un des moments importants de sa carrière. Et je l'avais dans les mains, telle qu'il me l'avait décrite. La chanson était très longue et incluait de nombreux endroits, dont Penny Lane. Dans une version ultérieure que John avait ramenée à une seule page, on trouve encore Penny Lane, Church Road, la tour de l'horloge, le cinéma AB, les hangars des trams, le Dutch Café, l'église Saint-Columbus, Docker's Umbrella, donc on l'a déjà dit, Calderstone Park. Cette description était effectivement autobiographique, mais John réalisait qu'il ne s'agissait que d'une série d'instantanés reliés uniquement par son sentiment que des paysages autrefois familiers étaient voués, faut que je tourne la page, à la disparition. Le solo de piano sur ce titre est joué par George Martin qui enregistra sa partie, puis repassa la bande à double vitesse pour créer un effet baroque. Lorsque John écouta la version définitive de In My Life, il dit qu'il s'agissait là de sa première grande chanson. On en a parlé sur le site Facebook déjà de la saga des Fab Four, je pense. Voici George Harrison en 1975 et cette très belle chanson La réponse est à la fin. The answer's at the end sur RG. The Fabulous Four Saga, right here on your radio with the Regale. Ringo Starr est un rocker. C'est Boys avec les Beatles en 1963 sur l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. On revient à l'album de la semaine, l'album Red Rose Speedway. Je vous avais dit en début d'émission que cet album faisait suite à l'accueil un peu mitigé et compréhensible d'ailleurs de l'album Wildlife. Néanmoins, Paul McCartney s'est retombé sur ses pattes à chaque fois comme un chat, comme il le fera toujours par la suite à l'issue de chaque déconvenue. Il publiera dans la foulée Live and Let Die, le titre générique du James Bond de l'année, un single détonnant et magistral produit par George Martin qui confirmera que Beatle Paul est définitivement de retour en première division. Red Rose Speedway referme tout de même quelques pépites qui méritent que l'on y prête une oreille attentive. Côté rock, l'engageant Big Band Ben inaugure bien les festivités, tout comme la tension retenue de Get on the Right Thing fait mouche instantanément. Pour le reste, quelques fines mélodies émergent d'un ensemble de ballades assez tranquille, on va dire. Ainsi, One More Kiss, et qu'on écoutera, et Single Pigeon retiennent l'attention grâce à la voix douce et feutrée de Paul. Avec un long medley final qu'on écoutera aussi, il tente de reproduire la magie de celui d'Abbey Road, mais enfin, la soupe, la soupe est ici servie un peu trop tiède pour que ça prenne. Néanmoins, c'est un beau medley final que l'on écoutera donc plus tard. Voici One More Kiss sur RIG dans la Sacré Fab Four enregistrée. 1, 2, 3, 4. I never mean to hurt you. en sommes à la 17e chanson, qui est la reprise, la cover faite par un artiste, ou peut-être vous un jour, pourquoi pas. Vous m'envoyez votre œuvre, et puis il faut que la chanson ait été chantée par John, Paul, Ringo ou George, ou évidemment les quatre ensemble, les Beatles, même si eux-mêmes faisaient la reprise de quelqu'un, je pense, par exemple à Chuck Berry ou d'autres. Voilà, ça marche, c'est comme ça que marche la cover. Voici une reprise par Billy Preston en 1984 sur l'album On the Air de Here, There and Everywhere par Billy, grand copain. To lead a better life, I need my love to be here. Each day of the year, changing my life with the wave of a hand. Nobody can deny that there's something there running my hands through her hair. Thinking how good it could be. Somebody speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies. Watching her eyes and hoping I'm always there. It's So Hard sur l'album Imagine en 1971, vous avez reconnu John Lennon. Je pense à Rook le Barge sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, celui qui pourvoit les trois quarts des pochettes et même des pochettes que je n'ai absolument jamais vues puisque ce sont souvent des pochettes d'origine japonaise ou de je ne sais pas où, trouvées sur le net en tout cas. Aidez-le parce que là, étant donné que c'est une saga enregistrée, je n'annonce pas toujours les titres et Rook est fan des Beatles, mais depuis qu'il écoute la saga, puisque bon, il aimait déjà un petit peu avant, d'accord, mais il est surtout fan de Johnny Hallyday. L'émission d'après, Eric, il va venir si je ne suis pas en retard, il va venir juste après moi. Donc, quand vous entendez un titre, dites-le, ça c'est It's So Hard, par exemple, sur l'album Imagine, comme ça vous allez aider Rook à mettre les pochettes. Un petit clin d'œil comme ça, juste pour rire, dans cette saga enregistrée. Voici Ringo sur R.I.G., forcément, dans la saga, avec un petit bout de George Harrison à la guitare dedans, sur King of Broken Hearts. C'était en 1998 sur l'album Vertical Man. Je t'aide la rock quand même.

Et je vous propose de retrouver comment s'appelle-t-il déjà, il faut que j'arrive à retrouver. Ah oui, John Lennon qui en 1971 nous sortait un 45 tours que vous retrouvez sur le John Lennon Collection de 1989. Le titre c'est Power to the People, une chanson politique, d'accord, mais une belle chanson quand même de John Lennon sur RIG. Power to the people. Le pouvoir au peuple. Saga des femmes fortes pour tout le monde. Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do. Sleeping like a love. when you won't. Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth, how is love real? But well, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. Oh, rock on, George, one time for me. Le Ringo Rocker, Ringo qui reprend une chanson de Carl Perkins, si mes souvenirs sont bons, en 1964. Quelle belle année sur l'album Beatles for Sale. Et je suis certain que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Maca Club ou Yellow Sub, vous avez marqué, j'adore quand Ringo dit « Oh, ok George, one time for me, rock on, one time for me ». Et il le fait, il rocks pour Ringo. Voici le medley dont j'ai parlé tout à l'heure, le medley qui voulait peut-être se ressembler, se faire un peu comme Abbey Road et qui prend un petit peu l'eau, mais c'est quand même, c'est, moi j'aime bien quand Paul McCartney fait ça, il pourrait le refaire encore, même s'il aime souvent lui aller plus loin, du moment qu'il l'a déjà fait, il le refait pas. Voici un medley qui dure 11 minutes 17 et que j'aime beaucoup sur l'album Red Rose Speedway, qui est l'album de la semaine et qui est la dernière portion, le dernier extrait de l'album de la semaine de cette saga des Fab Four. Le voici. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tout s'entremêle après, vous allez voir. I've waited all my life for you. Hold me tight. Take care of me and I'll be right. Hold me tight. Hold me tight. Hold me tight. Hold me right. Hold me tight. Squeeze me tight. Hold me tight. Hold me right. Hold me tight. Hold me tight. Hold me tight. You won't be going out tonight. Candlelight. Make love to me and make it. Oh, maybe a miracle. Le talent qu'on connaît à Paul McCartney, tous les thèmes de ce mêlée de chansons s'entremêlent à la fin avec bonheur, parce que ben quand on a du génie, on a du génie. Je signale à Eric, qui est certainement présent dans la station pour faire son émission Johnny de A à Z, qu'il ne me reste que trois chansons: Here Comes the Sun, Get Back et The Light That Has Lighted the World, et c'est fini. Et puis qu'il est à l'arme absolue, puisque je lui ai fourni entre temps un jingle pour dire t'es en retard Thierry, et puis de fermer l'émission si jamais ça dépasse trop. Voici donc deux Beatles à la suite, Here Comes the Sun, très belle chanson signée Paul McCartney, signée George Harrison, et après Get Back signée Paul McCartney. Je retombe sur mes pattes. All right. Little darling, it's been a Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. The picker. Picks for the fingers, great. Okay. J'adore cette fin sur le toit là où dans laquelle John Lennon dit je voudrais remercier au nom des filles et de moi-même et on espère qu'on a passé l'audition. Tu parles, les Beatles, en 1969, puisque c'est au moment où ça a été filmé. Allez, dernier titre de la saga des Fab Four, The Light That Has Lighted the World. George Harrison sur RG. accept change as if nature itself. They prefer rearrange. So hard to move on when you're down in a hole where there's so little chance to experience soul. I'm grateful to anyone that is happy or free, giving me hope while I'm looking to see the light that has lighted the world. Oui, je sais, vous voudriez que ça continue, mais ça continuera dans une autre émission. Merci d'avoir écouté cette saga des Fab Four. Je vous laisse en compagnie de Eric. Eric pour Johnny de A à Z. D'ailleurs, Eric, t'es là ? Ouais, bon, très bien. Écoute, dans quelques instants, à toi de te débrouiller pour faire le passage de l'un à l'autre. Je suis certain que tu vas réussir. Et je vous fais des bises les filles et des poignées de main aux garçons. C'était Thierry Gallet, en enregistré depuis la maison pour une saga des Fab Four. Et je vous souhaite une très très bonne écoute du programme d'Eric, j'en suis sûr. À bientôt. Et... non, je dure pas plus longtemps. Vas-y Eric, à toi. Salut.